Bonne fin de week-end sur Espace à 18h le dimanche, c'est Funky Mix. Bienvenue, 120 minutes de pur son funk sur la plus normande des radios. Funky Mix fait son show. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. La plus funky des radios. Eh oui, quelques notes ont suffi pour vous annoncer que l'émission Funky Mix démarre. Bienvenue, je m'appelle Manu avec Larry Wu, Spider D, c'est des noms peut-être inconnus pour vous, mais franchement c'est bon, ça va être mixé en plus en non-stop. Dans les classiques, c'est Jermaine Stewart qui arrive juste après Sky et Glass. Je vous emmène en 83 tout de suite. Romance, got to know it, got to have it, got to feel it. Each other, needing Le son Funky Mix. Funky Mix. This is Soul Disco Funk. Soul Disco Funk. On Funky Mix. Funky Mix. Je vous ai emmené en 86 là, avec Jermaine Stewart et puis maintenant on va décaler un petit peu les années 83, 84, 85 avec Intrigue. Je vais vous mixer ça, c'est un inédit. City Speak également, Spider D. C'est une brochette d'inédit pour vous, ça va aller très très vite, profitez. Et on démarre avec Larry Wu 1983 et c'est pour vous sur Espace. Funky Mix, 15 minutes mixées de musique funky. Love you. Made this rhythm. street. The people moving and grooving and stomping their feet. I said, hey DJ, what's going down? He said, heaven made this rhythm. So I started writing in my little book. One could tell by all the faces everybody was hooked. You know, it's sweeping right across the nation. And you can hear it on every radio station. People moving and grooving and stomping their feet to the captivating rhythm of the go-go beat. There ain't no room for sitting down. Get out your seat. The whole damn place is getting hot. Can you feel the beat? Heaven made this rhythm. It's new to me, but I need to know how the music makes you show what it's all about. Can you figure it out? People around me want to know. Ain't nobody sitting there. I don't know. So electrifying. I don't know. What I thought was fantasy is slowly creeping up on me. I'm losing all my self-control. Now I've got to let it go. Avec intrigue. Alors les connaisseurs adorent ce son, et pour peut-être les moins connaisseurs dont vous faites partie, vous vous dites qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est un groupe américain sorti en 84. Intrigue, ça s'appelle Avenue Made. C'est dans un instant qu'on écoute Vinzy, c'est un classique. Damon and Dinetta, je vous amène dans les années disco, et là c'est Léon et Wood, Don't Push It. 1980 précisément, ça démarrait cette époque musique funk, et puis le disco, on le disait progressivement bye bye à ce moment-là. Classic Dance, Dance Classic, Funky Mix. Happen. Avec Diamond et Denita, je vous emmène directement en 80 avec un vinyle que je viens de ressortir directement du producteur au consommateur. Vous êtes sur Espace, je vous souhaite un beau moment en Normandie, en Picardie, avec Nitro War de Jackson. Là, c'est la sélection des meilleurs titres funk et c'est Vinzy que j'ai invité tout de suite. Funky Mix, encore plus fort, encore plus fort. Ladies really love it.

I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie. Les Jackson étaient là, numéro 1 sur les classiques. Madonna, son premier titre s'appelle Everybody. Je vais le mixer avec une certaine Cinnamon. Mais juste avant, on écoute General Ken dans Funky Mix, la première émission Dance Classique sur Espace. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le dimanche 11 novembre. Ce soir sur TF1, la saga Camping arrive avec le troisième volet. Comme toujours, les comédiens sont tous présents et Franck Dubosc est le célébrissime. On n'attend pas Patrick. 23h, esprit criminel avec uniquement des rediffs. France 2 nous propose ce soir une spéciale Première Guerre mondiale. Apocalypse, la paix impossible. Nous parlons de l'après-guerre, 1918-1926. 22h30, Apocalypse, la Première Guerre mondiale. Et là, c'est une rediff. France 3, les enquêtes de Vera toute la soirée avec des inédits. Vous le savez, c'est la série préférée de Madame et Monsieur Chambier. Mais comme ils sont couchés après le premier épisode, les autres en profitent pour balancer de la rediff ni vu ni connu. Mais moi, je veille au grand. Canal du foot, Monaco PSG. Si j'avais 0,1% de leur budget sur mon compte en banque, je peux vous dire que je peux me permettre d'arrêter de bosser, moi et toute ma famille avec. 23h10, J+1, on débrief tout le week-end foot. Arte Margin Call, c'est un film avec Kevin Spacey, donc tu sais très bien que ça va être vachement sérieux. Nous sommes en 2008, dans une banque d'investissement new-yorkaise. Un grand nombre d'employés est licencié. Le même jour, le responsable de la gestion des risques, lui aussi, est viré. Le problème, quelques jours avant, il avait repéré un problème de gestion. Comme par hasard, il est lourdé. M6, Julien Courbet dans la téloche avec Capital qui cartonne de semaine en semaine, surtout depuis qu'il a repris le contrôle de l'émission. Le sujet de ce soir, contrôle fiscaux, nouveau PV, la grande traque des fraudeurs. 23h10, enquête exclusive, Bernard de la Villardière est parti en Afghanistan. Voyage au cœur de la terreur. Le meilleur de la TNT, France 5, un documentaire sur la petite histoire du bouchon lyonnais. Si vous connaissez un peu cette région, ce genre de petit resto, ça envoie quand même le pâté. Enfin bon, surtout le saucisson chaud. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Funky Mix. Funky Mix. Let's take a fun vacation, riding 10 white horses and the groom. Hey there, diddle, diddle, shake your dinner middle. We don't really care what you do. We just want y'all to shake it. Shake. We'll be right back. Il est 19h, on fait juste un petit breaking news avec l'info internationale et nationale sur Espace, la plus normande des radios, et le retour de Funky Mix dans un instant. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Nouveau fait divers à Marseille. 4 personnes se sont défenestrées pour échapper à un incendie. Ça s'est passé dans le quartier du Panier. Un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au deuxième étage d'un petit immeuble. Les victimes, parmi lesquelles une femme de 38 ans et ses deux enfants de 4 et 11 ans, n'ont été que légèrement blessées. Des matelas disposés sur le trottoir ayant amorti leur chute. Une cinquième victime intoxiquée par les fumées a également été hospitalisée. Les commémorations du 11 novembre et le discours d'Emmanuel Macron devant 72 leaders mondiaux, le président de la République a appelé au combat pour la paix, refusant le repli, la violence et la domination. Dans son allocution, il a appelé à ensemble conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique et de la dégradation de notre nature, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités, l'ignorance. En filigrane, Emmanuel Macron a également critiqué le nationalisme dont s'est revendiqué plusieurs fois ces dernières semaines Donald Trump. Grosse frayeur pour un vol Air France Paris-Shanghai. Il a dû atterrir en urgence en Russie après l'apparition de fumée à bord. L'incident n'a heureusement pas fait de blessés parmi les passagers, assure la compagnie aérienne. Ils ont été hébergés dans un hôtel à proximité de l'aéroport d'Irkoutsk, a précisé le transporteur aérien, précisant que le vol pourra repartir vers Shanghai demain, une fois que les techniciens auront effectué un contrôle de l'appareil. Pour rappel, au début du mois de novembre, un autre avion de la compagnie Air France qui reliait Paris à Saïgon, au Vietnam, avait dû être dérouté. Un bug informatique l'avait empêché de survoler l'espace aérien russe. On passe au sport et au football. Aujourd'hui, suite et fin de la 13e journée de Ligue 1, à 21h, Monaco-Paris-Saint-Germain. Il y avait du rugby hier avec un test match d'automne pour le 15 de France. Défaite face à l'Afrique du Sud, 29 à 26. Et puis la route du Rhum qui touche à sa fin. En tête de la course, François Gabart est attendu sur la ligne d'arrivée en Guadeloupe en fin de journée. Gabart pourrait remporter la 11e édition de la course transatlantique. Il est suivi de Francis Joyon qui fond sur lui. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. Get on the Funky Mix beat. Funky Mix. Funk music. Funky Mix. Listen to Funky Mix. Question of getting down, but actually I'll blow you.

just know. No matter how I try, I can't turn you loose inside. I need your love and more than roses need the rain. Plus chaud, plus fort. Funky Mix. Funky Mix. Change. Et hop, une brochette de son en non-stop, là pour vous, Cashflow, Pointer Sister, Bambi, et là c'est Kat Muller. Découvrez, vous êtes sur Espace et c'est Funky Mix l'émission. Espace, la plus funky des radios.

Cette année avec Volvo, c'est Noël suédois avant l'heure. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 295€ par mois sans apport. Location longue durée 48 mois pour une V40 signature édition 9, 40 000 km, entretien et garantie offert. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018 et accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Volvo, JFC Normandie, rond-point de KR à Normanville. Monsieur Récup, transport, déménagement, débarras dans toute la Normandie. Devis gratuit, 06 20 10 11 64, www.monsieurrécup.fr. normandiepiècesd'origine.com. Vos huiles Eagle à prix plateforme. Échappement Clarius à moins 32%. La filtration, les disques et plaquettes de frein en Kimpton à moins 55%. Livraison gratuite dans nos agences ou à la maison à partir de 100€. Retrouvez-nous dans nos centres auto de Fleury-sur-Andelle, Gaillon, Vernon, Passy-sur-Eure. Avec la vidange à 48€, la distribution avec kit pompe à eau et main d'œuvre pour 295€. À bientôt sur normandiepiècesd'origine.com. Voir conditions en magasin. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace. Dans un instant, ils ont dévalé les pentes les plus dangereuses, affronté les monstres les plus terrifiants, abattu les ennemis les plus tordus. Mais ils n'ont jamais autant ri. La Foire Saint-Romain à Rouen jusqu'au 18 novembre. Et c'est la plus grande fête foraine de province. Aventure et gourmandise au rendez-vous sur l'esplanade Saint-Gervais. In a cocktail bar when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you, but don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. If you think you changed your mind, you'd better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me? In a cocktail bar, that much is true. But even then, I knew I'd find a much better place, either with or without you. The 5 years we've had have been such good times. I still love you, but now I think it's time I live my life on my own. I guess it's just what I. You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. You think you've changed your mind? You'd better change it back or we will both be sorry. Don't you want me?